Chapitre 7e. Quel est ce matelot ? Dis donc, Babylas. Quoi ? Sulpice avait dit trois mots. Babylas en répondait un. Cette proportion donnait la mesure de leur loquacité respective. As-tu remarqué ? Demanda l'écuyer du baron à celui du chevalier. As-tu remarqué cette espèce de matelot qui se cache dans la cale ? Je ne vais jamais dans la cale. C'est un séjour malsain. Moi, j'y suis allé. Bien m'en a pris. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une cargaison de bouteilles d'un puissant intérêt. Je m'en suis assuré par une dégustation comparative. Ah ! La seconde, c'est que le matelot en question se cache derrière ces bouteilles. Pour boire ? Oh ! Il en restera encore assez jusqu'à notre arrivée. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il me semble avoir déjà vu cette figure-là quelque part. Où ? En route, à Perpignan. Puis dans un village dont je ne sais plus le nom. Enfin, avant-hier à Marseille. Cet homme-là, je te dis, nous suit comme notre ombre. Une vilaine ombre, car il a une triste figure, et une ombre invalide, car il a le bras en écharpe. Manchot, blessé plutôt. Quel bras ? Le bras droit. Il a dû recevoir quelques mauvais coups dans une méchante affaire. As-tu prévenu le baron ? Non. Inutile de l'encanailler. Il vaut mieux que nous nous chargions de l'homme s'il veut nous espionner d'un peu trop près. Viens-tu faire un tour dans la cale ? Allons. Ils descendirent l'escalier aux marches glissantes. La cale était assez noire, bien qu'il fît encore jour. « Vois-tu les bouteilles ? » demanda Sulpice. « Non, mais j'entends causer, » répondit Sulpice. En effet, un bruit assourdi de conversation venait jusqu'à eux. Ils prêtèrent l'oreille, mais les paroles ne se distinguaient point. « Je reconnais la voix du patron, » chuchota enfin Sulpice. C'était en effet l'organe nasillard du seigneur Thérésin, maître de la Ramberge. « Après tout, » fit Babylas, « pourquoi ce matelot est-il suspect ? En admettant que ce soit un matelot, c'est mon idée. Ce n'est pas naturel qu'il nous suive comme ça dans notre voyage. La route est à tout le monde. » fit Sulpice, médiocrement persuadé. « Attention !» souffla Babylas. « Voilà le patron qui s'avance. Remontons !» Maître Thérésin quittait le retranchement de bouteilles derrière quoi il causait avec l'inconnu. Celui-ci l'accompagnait. Tapis derrière un rouleau de cordage, les deux écuyers les entendirent s'approcher tout en causant. « Quand arriverons-nous à Livourne ? » questionna l'homme au bras en écharpe. « Demain, » répondit la voix nasale du maître de la Ramberge. « Tant mieux, je pourrai au moins soigner mon bras, il me brûle. »« Mais où avez-vous attrapé ce coup-là, Procopio ?»« Une querelle. J'ai été touché jusqu'à l'os, j'en ai perdu le sens. Mon adversaire a cru m'avoir oxy, mais il se trompait. » « Nous nous retrouverons. »« Savez-vous où le revoir ?»« Oh oui. » Et la parole l'affirmait, féroce, avec un grincement dedans qui fit frémir Sulpice, et grincer aussi Babylas. « Eh bien, bonsoir l'ami, » dit Thérésin. « Si vous avez encore besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, » entre Italien. « Merci. »« Vous ne voulez pas monter ?»« Non, je préfère rester ici. »« Bonsoir. » Les deux écuyers sortirent de leur cachette. « Il préfère rester là, » dit Sulpice. « C'est qu'il se cache, ce Procopio-là. »« Non pas, il a une autre raison. »« Laquelle ? Les bouteilles. » Cette fois encore, pas plus que les précédentes, Sulpice ne parut convaincu. Le lendemain, au matin naissant, le navire doubla l'île Gorgona. C'était l'Italie. Livourne apparut dans le lointain. Sur le pont de la Ramberge, toute l'ambassade se rassemblait pour quitter les planches humides d'embrun. Le débarquement eut lieu sans encombre, nul ne prit garde aux arrivants. Il n'y avait sur le port que quelques enfants jouant dans le sable blanc de la grève. Quant à Procopio, il avait disparu.